meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes dans le Blues Café en live et en... Francis, nous recevons ce soir deux artistes qu'on a déjà croisés dans le Blues Café. Ils sont à nouveau réunis autour de leur passion commune pour un monstre sacré de la guitare et du banjo, l'un des maîtres du fingerpicking, j'ai nommé Doc Watson, pour lequel ils sortent un disque hommage intitulé « Sitting on the Top of the World ». C'est vrai, et l'originalité de cette musique touche justement à son subtil répertoire qui mélange toutes les musiques nord-américaines, du blues à la country en passant même par le folk et le bluegrass. Voici donc sur la scène du Blues Café un duo de choc composé de deux guitares et de deux voix. Mathis Hogg et Benoît Nogaret. The mountain, while to see my babe. Lord, I ain't coming back. Lord, I ain't coming back. It's a long way to Harlem, a long way to Hazard, just to get a little brew, just to get a little brew. Roll on, buddy, with a load of coal. How can I pull when wheels won't roll? Why the 9-pound hammer is a little too heavy, but it for my size, but it for my size. And the 9-pound hammer killed poor John Henry, but it won't kill me, it won't kill me. Roll on, buddy, with a load of coal. How can I pull when wheels won't roll? Take my hammer and bring it to the captain. You can tell him I'm gone. You can tell him I'm gone. And if he asks you why I'm going to, people, tell him you don't know. Tell him you don't know. Roll on, buddy, with a load of coal. How can I pull when wheels won't roll? Play the banjo now. See my babe. Lord, I ain't coming back. I ain't coming back. Roll on, buddy, and make your time. I don't broke down, but but it can't make mine. Merci beaucoup. Et salut tout le monde. C'est un tel plaisir de jouer ce répertoire. Celui-là, il s'appelle Little Sadie. C'est une murder ballad. C'est une ballade meurtrière. On a plein de chansons comme ça où on raconte... Enfin, à l'époque, les gens écrivaient un peu les histoires de leur vie, du village, des alentours. Ça se faisait aux États-Unis, mais ça se faisait bien sûr aussi ici en Europe. D'ailleurs, la musique qu'on joue, elle est en partie européenne. Et c'est dans ce grand melting pot américain qu'elle s'est mélangée avec tout le reste et que ça a donné des choses comme ça. Little Sadie. Sadie and I shut her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30. The hacks in the buggy standing in line. Gents and gamblers standing around, taking little Sadie to a burying ground. And I began to think of what deed I'd done. I grabbed my hat and away I did run. Made a good run, just a little too slow. They overtook me in Jericho. Standing on the corner reading the bill, and up stepped the sheriff from Thomasville. He said, "Sir, it's your name Brown. Remember the night you shot Sadie down?" Said, "Oh yes, but my name is Lee, and I murdered Sadie in the first degree and second degree. And then the papers were leading to me." Train started me back, all the way back to the Thomasville jail. Had no money for to go on my bail. The judge and the jury, they took the stand. The judge had the papers in his right hand. 41 days, 41 nights, 41 years to wear the ball in stripes. Went out one night to make a little round. I met a little Sadie and I shut her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head. Nous sommes au Millennium. C'est à l'île d'Abo dans l'Isère, en direct ici avec Mathis Hogg et Benoît Nogaret. On va vous demander de nous rejoindre ici puisqu'on va parler ensemble de ce Sitting on the Top of the World. Nous allons nous asseoir sur le rebord du monde avec vous et cet album en hommage à Doc Watson. Alors Mathis, on a du mal à te suivre. Hein. Après cet album, là, début 2021, Kiss My Grits, mais on n'en parlera pas. Tu continues ton chemin en quelque sorte dans les musiques nord-américaines avec un disque hommage à Doc Watson. Pas simple d'ailleurs de te suivre, comme je te le disais, car en fait il y en a deux disques. hommage à Doc Watson. Il y a un EP, ce qu'on appelle un EP, donc un 5-6 titres, en gros, qui s'appelle « Here's for you, Mr. Watson », et que nous traduisons, c'est en allemand. « Voici pour vous, Monsieur Watson ». Je crois que tu es d'origine allemande, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, il y a un album complet, « Sitting on the top of the world ». Pourquoi pas avoir sorti directement un album ? Parce qu'on n'avait plus de sous. Donc, tu as commencé par 5 titres. Ça, je pense que tout le monde comprend. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous en avez maintenant et que vous n'en aviez pas avant ? Ben, on en a eu un petit peu, et puis là, on n'en a plus, hein, d'ailleurs. Ça va, ça vient. Ouais. Non, c'est que, bon, on sortait du, ben, comme tout le monde, du confinement. Hein. Maintenant, c'est fini parce qu'il y a la guerre. On est sorti de ces 2-3 années, enfin, de ce long temps-là de confinement, de Covid, de non-Covid, de tu peux faire, tu ne peux plus faire, tu mets un masque et tu ne mets pas le masque, etc. Dans cette période, ça a été très difficile d'imaginer un projet, enfin pour moi en tout cas, hein, un peu ambitieux avec beaucoup de musiciens. Comme on avait, avec Benoît, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, mais on n'avait jamais enregistré. On avait beaucoup de temps, donc on se retrouvait 2-3 fois par semaine à jouer, et puis on jouait des standards américains, donc de musique traditionnelle. On s'est retrouvé un petit peu autour de cette musique de Doc parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des chansons qu'on jouait ont été interprétées par Doc Watson. Donc Doc Watson, il a une discographie assez incroyable, il a à peu près tout joué. Donc, voilà. Et dans tous les styles. Et dans tous les styles, du coup, on s'est dit, on va faire cet hommage à Doc et on le sort qu'en numérique, donc sur les plateformes, un peu comme font les jeunes. Sauf que ce n'est pas... Que nous ne sommes pas jeunes. Que vous n'êtes pas jeunes et que... Doc Watson est mort en 2012 et que de toute façon, les jeunes n'écoutent pas ces genres de musique-là. On s'est planté un peu quelque part. Non, on le savait, mais en tout cas, voilà, c'était une manière de sortir quelque chose, de se présenter au public. Et puis ça n'a pas trop mal marché parce que l'année dernière, on comptabilise quasiment entre juin et décembre une cinquantaine de concerts. Donc, oui, c'est bien. Voilà, c'est pas un raté non plus. Oh, ouais. Vous nous perdez quand même un petit peu parce que sur l'album, on a repéré qu'il y avait par exemple 2 titres qui étaient sur l'EP et qui ne sont plus sur l'album, notamment le Roland Buddy que vous venez de faire. Reste avec nous, Mathis. Donc il y a des titres qu'on retrouve sur l'EP, qu'on retrouve sur l'album, d'autres non. En fait, voilà, c'est parce qu'il faut que vous achetiez les deux. C'est ça. Il faut que vous soyez un peu moderne, vous allez sur Internet, vous achetez Here's to you, Mr. Watson, et après, Sitting on top of the world, ce soir. Donc on parlait de Doc Watson et comment tu l'as découvert ? Il me semble que c'est une vieille histoire pour toi. Bah oui, pour moi et pour Benoît aussi. Je crois que c'est un peu un des premiers guitaristes dont j'ai entendu parler parce que moi, certains comprendront, j'ai grandi en Ardèche. Dans le sud de l'Ardèche, dans les années 80, il y avait beaucoup de gens qui avaient traversé les années 60 et du coup qui m'ont montré des trucs à la guitare, notamment les méthodes de Marcel Dadi qui parlait de Doc Watson. Et avec les fameux standards comme Deep River Blues et tout ça. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai vraiment appris à jouer la guitare. C'est ce qui me semble le plus naturel, en fait, pour moi, dans mon jeu. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis voilà, bah, c'était le moment d'y revenir. Hein. On se sent un peu comme en Ardèche, hein, pendant le confinement. On ne voit plus personne. Je veux dire, on veut élever des chèvres, on veut acheter une ruine. Enfin, on en a parlé tout à l'heure à table. Hein. Oui, exactement. Doc Watson, c'est aussi une fenêtre vraiment ouverte sur le monde de la musique américaine, en fait. Tout y est, quasiment. Ouais, au niveau musical. Et puis, c'était un personnage... pour ceux qui ne le connaissent pas, il était aveugle. Qui a surpassé son handicap. Moi, je trouvais ça assez génial, notamment bon, par rapport à la musique. Il a tourné énormément. Il a construit une partie de sa maison tout seul, sans aide de personne. Il voulait vraiment le faire lui tout seul. Il a construit une... étant aveugle, du coup, la maison... En étant aveugle, pas du tout, justement. Il y a plusieurs personnes qui sont allées vérifier, savoir si elle était d'équerre. Elle était vraiment d'équerre. Bien joué. C'était... un personnage qui était très ouvert, et je pense que ça, par rapport à la période dans laquelle on vit, je pense que c'est très important pour nous de nous identifier aussi à une personne comme lui, parce que je crois qu'il n'y avait pas de frontières pour lui, notamment dans la musique. On en met beaucoup dans la musique, des frontières, ça c'est ci, ça c'est ça, des frontières, des trucs. Mmh. Et là, il n'y en a pas, et c'est ce qui m'a toujours énormément plu. Il n'y avait pas non plus d'histoire de couleur de peau, et voilà. Et donc, du coup, je pense que ça nous parle, enfin, voilà, moi ça me parle en tout cas. On sent en tout cas que tu as un attachement autant à sa musique qu'au personnage, quoi. Et puis aussi au répertoire, c'est de la musique traditionnelle. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a fait ce projet. D'ailleurs, on a pas mal réussi à communiquer avec des Américains et avec d'autres dans le monde. parce que ce sont des musiques traditionnelles. Donc les chansons qu'on a jouées tout à l'heure, elles appartiennent au domaine public. Donc on ne sait pas qui c'est qui les a écrits. Et chacun a un petit peu rajouté son texte, sa manière de les jouer, comme on a fait nous, parce qu'on ne les joue pas du tout texto, Doc Watson. On a essayé de rester dans cet esprit-là en disant on prend les choses, on se les approprie, on les réinterprète à notre manière. Voilà. Alors Doc Watson a joué aussi souvent avec son fils, Merle Watson, et même enregistré d'ailleurs des disques avec lui. Ouais, plein. Alors même si entre vous on n'arrive pas à savoir qui est le père et qui est le fils, votre duo quand même s'inscrit-il un peu dans cet esprit-là ? Il y avait une complicité très conséquente. Ouais, ouais. Merle est décédé en 1983 d'un accident de tracteur. Je pense que pour nous, il y a une complicité de toute façon aussi dans d'autres répertoires qu'on a pu jouer. On a pu jouer ici à la Blues Party il y a 2-3 ans. On a toujours eu ça et je pense que là, c'était vraiment bien parce qu'on a un peu plus travaillé les choses. On a imaginé les rôles de chacun qui peuvent changer dans le même morceau aussi. Hein. Il n'y a pas de soliste, il n'y a pas d'accompagnateur. On va peut-être demander d'ailleurs à Benoît, à la fois Doc Watson, ce que ça représente pour toi. Et puis dans ce jeu, en fait, de duet plutôt que de duo, où finalement vous jonglez d'une mélodie à l'autre entre vous sans que ça soit toujours la même avec l'un et la même avec l'autre, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Bah alors pour moi, Doc Watson, je l'ai découvert pareil que Mathis, c'est-à-dire quand j'étais très jeune et que je démarrais la guitare à l'âge de 11 ans. Et très rapidement, en fait, je suis tombé sur ce nom-là dans les bouquins de mon père. Il collectionnait les vieux rock and folk de l'époque. Et du coup, Doc Watson, c'est un personnage qui revenait souvent, mais je m'y étais jamais trop attaché parce qu'en fait, comme beaucoup de gens qui se mettent à la guitare, je démarrais par le rock, avec la guitare électrique, les sons saturés, etc. Et petit à petit, le cheminement s'est fait vers la guitare acoustique, et notamment, ben, quand on découvre la guitare acoustique, on redécouvre du coup ses grands maîtres, notamment Doc Watson. Et voilà, donc du coup avec Mathis, ça a été l'occasion pendant des mois, comme il disait, de beaucoup beaucoup travailler. Et puis notre duo fonctionne bien, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble, mais on a fait plein de musique. Vous les faites pas. Même si c'était beaucoup travaillé, on restait quand même dans. Enfin, il y avait une grosse marge d'improvisation entre nous, parce qu'on a fait beaucoup de blues et de rock ensemble. Et là, du coup, c'était vraiment l'occasion d'établir des choses plus travaillées, plus pensées. Justement, quand tu posais la question par rapport à Merle Watson et son père, je pense qu'ils faisaient aussi avec leurs capacités respectives. C'est-à-dire que ben, Doc, il avait ce truc naturel de pouvoir enrichir ses phrasés de chant avec plein de plans qu'il mettait entre chaque verse. Merle, il jouait beaucoup de slides, il jouait peut-être plus en picking, plus d'accompagnement. Et du coup, chacun faisait avec ses capacités. Et nous, c'est un peu pareil, en fait. Et du coup, on essaye de faire ce qu'on fait de mieux chacun. Et voilà, on se met au service. C'est ça, parce que tu disais que quand tu as commencé à la guitare assez vite, tu as commencé à faire du Doc Watson. Mais là, on l'a vu tout à l'heure quand déjà vous avez joué les deux premiers titres. C'est techniquement très compliqué à la guitare. C'est quelque chose qui est très riche. Ouais, c'est assez riche. Et puis, mais ce que j'aime, en fait, c'est que c'est vraiment de la technique, mais au service des chansons. Parce que, bah, comme expliquait Mathis tout à l'heure sur le morceau Little Sadie, c'est vraiment des histoires. Et du coup, c'est plutôt sympa et puis esthétique de mettre cette technique-là au service de chansons et d'histoires. Alors, justement, les deux chansons qui ont ouvert ce Blues Café sont des traditionnelles jouées par Doc Watson, mais pas que, puisque le Roland Buddy est surtout connu par Bill Monroe, il me semble. Oui, il a fait... Légende du Bluegrass. Ce titre, il a plusieurs noms, il s'appelle The Nine Pound Hammer aussi. Il a été à peu près joué par tout le monde. Hein. John Baez en a fait une version. Plein de gens. Nous aussi. Et vous, ouais, surtout vous. Ouais. On reviendra en tout cas sur cet album Sitting on the Top of the World dans quelques instants. En attendant, vous allez rejoindre la scène du Blues Café avec deux titres. J'aimerais que vous nous en disiez deux mots. Alors, il y aura un Deep River, un morceau des Delmore Brothers, c'est ça ? Oui, alors Deep River Blues, c'est si vous tapez Doc Watson sur Internet, à mon avis, vous allez tomber sur le Deep River Blues, okay. Le morceau sur lequel Francis s'est abîmé les doigts à l'époque, comme moi d'ailleurs. Mais vous allez remarquer que, pour ceux qui le connaissent, on ne le joue pas exactement pareil, parce que moi, je n'arrive pas trop à le jouer comme lui. Et ça, c'est tout le but de la réinterprétation. On en a fait une version mineure, réharmonisée. C'est notre version du Deep River Blues, qui est créditée aux Delmore Brothers. Je crois que c'est un traditionnel, oui, aussi. Que tout le monde a pu reprendre. Ouais. Et ensuite, le Sitting on Top of the World, dont on ne sait pas trop qui l'a composé non plus, mais il y a Howling Wolf qui l'a fait, et puis je crois Little Walter, et plein de gens. Mais bon... Et vous, toujours. Et c'est dingue, à chaque fois, on arrive à la même conclusion. Voilà, et on va le vérifier immédiatement. Bon. Mathis Hogg et Benoît Nogaret sont nos invités ce soir pour parler de cet album de Doc Watson, Tribute to Doc Watson. Il s'appelle Sitting on the Top of the World. Et ce soir, les amis du Blues Café, vous en avez l'exclusivité parce que cet album est tout chaud. Il vient juste de sortir. Mathis Hogg et Benoît Nogaret. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let it rain, drive right on, let the waves sweep along, 'cause I got them deep river blues. My old gal's a good old pal, she looks like a waterfowl, when I get them deep river blues. And there's ain't no one to cry for me, and the fish I'll go out on a spree, when I get them deep river blues. Play your guitar. Now if my boat sinks with me, I'll go down, don't you see, 'cause I got them deep river blues. And I'm going back to Muscle Shoals, times are better there, I'm told, 'cause I got them deep river blues. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let it rain, drive right on, let the waves sweep along, 'cause I got them deep river blues. And the bridge. With me, I'll go down, don't you see, 'cause I got them deep river blues. And now I'm gonna say goodbye, and if I sing, just let me die, 'cause I got them deep river blues. I'm gonna sing the last time. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let it rain, drive right on, let the waves sweep along, 'cause I got them deep river blues. Le Blues Café, l'émission concert en public, le meilleur de la scène blues. Summer day, she went away. Gone and left me, she's gonna stay. Oh, now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. All the summer, walked on as fun. Had to take Christmas in my overalls. Oh, now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Don't you shake my tree. Get out of my orchard, let my peaches be. Oh, now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Summer day, she went away. Gone and left me, she's gonna stay. Well, now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. I'm going down to El Paso. Don't you worry, babe, I need. Oh, now she's gone, I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Sitting on the top of the world avec Benoît Nogaret et Mathis Hogg qui sont nos invités. Le temps pour eux de reprendre leur souffle. On va parler, Francis, d'un événement qui nous tient à cœur. C'est la Blues Party, événement majeur ici à l'île d'Abo. Et qui mieux que le maire de l'île d'Abo pour en parler, Francis ? Cyril, bonsoir et merci d'être là parmi nous. On sait que tu viens d'ailleurs régulièrement au Blues Café, ça nous fait vraiment plaisir. La Blues Party, c'est un événement majeur de la ville, et on sait que la municipalité donc soutient cet événement majeur. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Non pas de la programmation, on en parlera après. Vous êtes mieux placé que moi pour parler de la programmation. Donc c'est en effet, j'ai envie de dire, l'événement majeur culturel de la municipalité. Quand on parle de culture, il en faut pour pour tout le monde. Et c'est vrai que cet événement, c'est un événement populaire qui attire beaucoup de... J'ai envie de parler tout d'abord en termes de citoyens. Ça attire beaucoup de citoyens locaux qui sont attirés par la musique, attirés par les lieux, attirés par ce que vous faites. Est-ce que vous avez su, vous, Francis et Cédric, amener depuis de longues années? Et en tant que maire, j'avoue que c'est particulièrement palpitant, intéressant de savoir que cet événement prend de l'ampleur et permet à notre commune d'être connue bien au-delà des frontières de la CAPI et d'ailleurs. Et on a hâte d'y être au mois de juin. Francis, on dit deux mots de la programmation que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site de la ville mairie-ida.fr et sur notre site bluesactu.com avec d'abord, et c'est une nouveauté, un démarrage le 9 juin avec un Before qui aura lieu aux abattoirs, c'est à Bourgoin-Jallieu, cette salle qui nous fait le plaisir de s'intégrer dans ce projet et qui propose une soirée gratuite avec un groupe que l'on aime beaucoup, un groupe lyonnais qui délivre une musique soul qui s'appelle les Butt Shakers. Oui. Sur les funk, même une belle formation avec une chanteuse fantastique. Et je pense nul doute que ça dansera devant ce groupe. Alors je vous rappelle quand même un peu l'esprit de la Blues Party, c'est qu'on essaye, lorsqu'on le peut, parce que les événements qu'on a tous vécu autour des pandémies ont un peu brutalisé les relations musicales européennes, quand on veut finir des artistes et européennes et américaines, c'est jamais bien simple. Mais on essaye en même temps que ça soit festif, ça c'est quand même le premier paramètre. Le second aussi, c'est de montrer la diversité du blues. C'est-à-dire qu'on essaie dans notre programmation de montrer qu'il y a des styles qui sont un peu différents, que le blues est bien, il n'est pas uniforme. Et puis, géographique aussi, quand on peut, c'est de montrer qu'il y en a un peu partout. Donc, à chaque fois, avant, on avait un cahier des charges assez rigide, c'était un groupe, un pays. Bon, on a un peu dépassé cette rigidité-là. En tout cas, effectivement, tu l'as dit, le maître mot, c'est le côté festif. C'est pour ça que ce festival s'appelle Blues Party, puisque le blues est une musique de fête. Et on attaquera avec un groupe très festif qui s'appelle The Yelbows, que Benoît et Mathis connaissent très bien. On leur a demandé un truc un peu fou, c'est de venir jouer au milieu du public, sans scène, en acoustique. Et en fait, c'est une sorte de fanfare funk Nouvelle-Orléans. Et ils ont dit qu'ils adoraient faire ça. Ils joueront en déambulation et vous accueilleront dès votre arrivée et entre chaque concert. C'est la première fois qu'on fait ça et je pense que ça va être une belle fête. Alors si j'ai bien compris, d'ailleurs, ils ont une sorte de petite sono qui trimballe dans une poussette ou je ne sais quoi en même temps. Enfin, bon, ne révèle pas tous leurs secrets, Francis. Mais peut-être qu'ils n'auront pas la poussette, je n'en sais rien. Ensuite, on sera sur la grande scène, cette très grande scène que vous connaissez tous, avec un duo italien, Super Down Home. Ils ont l'élégance italienne, en tout cas vestimentaire déjà, mais ils ont aussi une musique blues qui est un peu proche des racines, tout petit peu garage parfois, c'est un peu entre le delta et puis le garage, et ils sont très très sympas, ils adorent parler avec le public après, donc vous aurez l'occasion de bavarder avec eux si tant est que vous parliez italien. Il y aura ensuite un groupe français également qui s'appelle les Royal Premiers. Et là aussi, on sera dans un mix entre le rhythm and blues, la soul. C'est une grosse formation. Ils sont 6 musiciens avec à leur tête une chanteuse. Et encore là, une musique qui sera forcément extrêmement festive. Juste un mot sur les Royal Premiers. Je rajouterais une petite connotation un peu vintage, 60s vintage dans leur soul et leur rhythm and blues, ce qui n'est pas désagréable pour des jeunes comme nous. About that way. Ensuite, nous avons un grand plaisir, c'est d'accueillir quelqu'un qu'on a vraiment beaucoup aimé. Une programmation, c'est à la fois effectivement des coups de cœur quand on va dans des festivals ou des concerts, et c'est des fois à l'écoute de certains albums. Et celui-là nous a vraiment beaucoup plu. Il s'appelle Philip Michael Scales. Son nom vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que c'est le neveu de B.B. King, déjà là, ça va peut-être un peu tilter, même si B.B. King devait avoir à peu près 45 neveux et 252 petits-enfants. Mais voilà, il fait partie de cette lignée de B.B. King, et en tout cas, clairement, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui fait une musique qui est influencée par le blues et la soul, mais qui est vraiment très très ancrée dans son époque, très moderne, et on a vraiment aimé ça, et on est très très heureux de l'accueillir à la Blues Party. Alors, c'est un très très grand coup de cœur de Cédric. Quand on a reçu l'album, ouais. Il m'en a parlé, mais jour et nuit. Hein. Et ce sont des Américains, il vient avec ses musiciens américains. Cédric l'a dit tout à l'heure, la Blues Party, c'est une fête aussi, fête pour tout public, familial, amical, etc. Et bah, on a eu envie de terminer par un grain de folie. Et là, c'est une création, c'est-à-dire qu'on a demandé à des amis musiciens et tourneurs en même temps d'organiser quelque chose pour nous. Alors, ils l'ont organisé aussi pour une autre date, parce qu'il faut quand même rentabiliser. Donc, il n'y aura que deux dates, une à Bordeaux et une à l'île d'Abo. Et on a réuni trois personnages, plus les musiciens. Un pianiste d'origine espagnole, mais qui est anglais. Max Sanchez, qui joue du boogie, qui joue du rock'n'roll noir, et qui est absolument un showman incroyable. Et il sera accompagné de l'un des meilleurs saxophonistes au monde. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Sax Gordon, c'est une chance incroyable qu'on puisse avoir, qui est américain, qu'on puisse avoir Sax Gordon avec Max Sanchez. Puis ça suffisait pas, hein, Cédric. Il nous fallait un excellent guitariste aussi. Il fallait un excellent guitariste, et on avait envie d'inviter un ami. Et on a eu pensé à Nico Duportal, que vous connaissez très bien, qui joue avec les Lowland Brothers et qui était venu ici accompagner Benoît Blueboy. On lui a demandé de faire partie de l'aventure, et bon, forcément il nous a dit immédiatement oui, et donc il sera à la guitare avec Mike Sanchez et Sax Gordon. Vous n'avez jamais vu ce concert, vous ne le reverrez certainement jamais après, donc c'est vraiment un moment à ne pas louper ici le 11 juin à l'île d'Abo. Thank you. Mathis Hogg et Benoît Dogaré, vous êtes nos invités ce soir pour cet album Sitting on the Top of the World. Juste avant, qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier entre ta chemise et le visuel de l'album? Est-ce la chemise. C'est la chemise, très bien. Si vous nous écoutez à la radio, vous regarderez les photos sur Internet parce que vous n'allez pas comprendre cette question. On dit tout le temps que vous êtes en duo ou en duette, mais ce n'est pas du tout ça sur l'album. Il y a des invités aussi. Ah oui, quatre invités. Et notamment un musicien extrêmement connu. Hein. Monsieur Siguré, oui, évidemment, toi tu le connais. Ouais. Notamment dans son style, qui est plutôt le bluegrass music. Hein. Et oui, qui a joué avec Bill Monroe d'ailleurs. Ouais, Christian, il fait partie de l'histoire du bluegrass. Ouais. Il est français. Alors, il est connu comme joueur de mandoline, mais aussi dans le disque de fiddle. Alors, on peut expliquer peut-être ce qu'est le fiddle par rapport au violon. Bah, c'est un style de violon irlandais ou du coup aussi américain, quoi. Voilà. Il est auteur aussi d'une encyclopédie, il me semble. Il a écrit plusieurs bouquins sur les guitares. Il joue avec Hugo Frey depuis longtemps, avec Sansel Bellino, avec plein de gens, beaucoup d'Américains aussi. Même avec Céline Dion, je crois, comme quoi, personne n'est pas. Ah ouais ? Et où tu l'as débauché, comment ? Ben, je l'ai débauché par Facebook pendant le fameux confinement. Je lui écris, je dis voilà, je m'appelle Mathis Hogg et on fait un disque hommage à Doc Watson. Il m'a dit mais je te connais, j'ai quelques-uns de tes disques, ça me ferait extrêmement plaisir de participer. Et il a enregistré chez lui. Nous on a enregistré dans un studio, on lui a envoyé les pistes et il a enregistré chez lui. D'ailleurs comme tous les invités sur le disque. Oui parce qu'il y en a d'autres. Hein. Ouais. Enfin nous on en a noté au moins trois autres. Steve Lova, Aurore Volke. Ouais. Et Manu Bertrand, un petit mot sur chacun des trois. Alors, Aurore, c'est une très vieille amie à moi qui joue du violon manouche zigane, surtout. Elle est très très connue dans le milieu du jazz manouche. Elle joue avec Angelo De Bar, avec Birelli, avec tout ça. Et donc j'ai invité cette amie. Ensuite, Steve Louva, c'est certainement le meilleur banjoiste et joueur de picking, guitar picking en Europe, qu'on a rencontré sur un festival à Montpellier. Et puis Manu Bertrand, il est aussi multi-instrumentiste, mais notamment très connu pour son jeu au dobro. Il accompagne actuellement Jean-Jacques Milteau sur sa tournée avec Carlton Moody. Voilà. Bah, du beau monde tout ça. Ouais. Alors finalement, vous n'êtes plus que deux, c'est une formation très étoffée. Hein. Là, sur disque, ouais. En live, ça est envisageable un jour d'avoir tous ces gens-là autour de vous? On a commencé à faire des concerts avec Aurore. Ouais. Et puis oui, c'est le but. Le but, c'est de jouer avec plein de musiciens cette musique-là. Quoi. Et même que ça change un peu tous les soirs, d'ailleurs. C'est ce qui fait ce charme-là de ces musiques. C'est un peu comme dans les pubs irlandais. C'est une jam music. Ouais. J'imagine qu'il y a des descendants de Doc Watson. Est-ce qu'à un moment donné... C'est pas Benoît. C'est pas Benoît, c'est pas toi non plus. Ouais. Ou alors vous faites un test ADN. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous rapprocher d'eux aussi pour leur faire écouter ce que vous faites? Oui, on a contacté la personne qui s'occupe du site internet de Doc. L'année dernière, on a été pendant des mois et des mois en première page du site parce qu'il n'y a pas eu d'hommage officiel encore à Doc Watson. Et donc, ils ont beaucoup aimé le disque. Même aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. L'année dernière, on a eu un retour très favorable du Merle Fest, qui est le festival qu'a créé Doc après la mort de Merle, et qui est un énorme festival de musique. Il y a beaucoup de bluegrass, mais il y a aussi la soul, du rhythm and blues, du rock, etc., qui se passe en Caroline du Nord. Et ils n'ont pas dit non pour cette année. Voilà, c'est 150 000 personnes et tout ça. Pareil, ils m'ont dit, voilà, il n'y a pas eu d'hommage vraiment sérieux pour l'instant. Tu avais enregistré un album, un très beau vinyle aux États-Unis. Cette musique-là, tu n'aurais pas eu envie d'aller l'enregistrer aux États-Unis? Si, mais on ne pouvait pas voyager l'année dernière. Oui, c'est ça. C'est un petit détail qui m'a effectivement un petit peu échappé. Et on y va là. En juin, on s'est inscrit. On a passé une audition pour participer à un stage de guitare avec les quelques grands représentants actuels du style. Aussi en Caroline du Nord et du coup on espère aussi aller rencontrer un peu la famille et tout ça quoi. Voilà. Alors l'album se nomme Sitting on the Top of the World, un tribute Doc Watson. Il vient tout juste de sortir. Où est-ce qu'on peut le trouver? Chez moi. Il va nous dire ici ou chez toi? Via le site internet www.matisandbenoit.com. Ce soir, maintenant, après le concert, On en parlait tout à l'heure, effectivement, avant le début de l'émission. Ce disque n'est pas forcément, n'est pas distribué aujourd'hui. Tu préfères, comme on dit, faire dans les circuits courts, quoi, de le consommateur au producteur. Ben, ces musiques-là, c'est très compliqué déjà de les distribuer, notamment en France. Donc, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement essayer. Mais je t'avoue que je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Plus. J'ai fait ça pendant des années. On préfère maintenant le sortir. Et puis je pense que du coup, avec les réseaux sociaux, le mot se propage quand même. Peut-être pas autant que s'il y avait une grande promo nationale, tout ça. De toute façon, le disque, ça ne se vend malheureusement plus. Mais ne dis pas ça, il y a un public qui attend de pouvoir se jeter sur les disques derrière nous tout à l'heure. Parce que c'est des vrais connaisseurs. Mais... Alors pour nous quitter, vous allez donc jouer deux titres, plus un en bonus, ce qui nous fait trois, si vous comptez bien. Quels sont-ils ? Alors on va jouer The Cuckoo Bird. Ouais. Qui est c'est un titre qui est joué d'ailleurs avec Christian Siguré sur le disque. Qui est un morceau traditionnel qui, à ma connaissance, joue beaucoup plus au banjo. J'ai essayé d'imiter un petit peu le banjo avec mon jeu de guitare. Ensuite, on a Shady Grove, qui est aussi une vieille ballade. Alors, on peut vraiment reconnaître les consonances irlandaises sur cette ballade-là. Et sûrement que c'est un morceau qui vient soit d'Irlande ou soit d'Écosse à la base. Et puis après, on va faire Nashville Blues. The Nashville Blues, voilà, qui est aussi un titre de Delmore Brothers, où on le joue un peu plus entre Doc Watson et Django Reinhardt. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous deux. Mathis, Benoît, vous êtes des habitués du Blues Café et vous revenez quand vous voulez. Mathis Hogg, Benoît Noglaré, ils sont sur la scène du Blues Café. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo. Gonna build me a log cabin on the mountain so high, so I can see my sugar babe as she goes on by. All the cuckoo is a pretty bird, she wobbles when she flies, she never hollers cuckoo till the fourth day of July. Jack of Diamonds, I've known you from old. Now you've robbed my poor pockets of my silver. Cheeks as red as a blooming rose, and eyes are the prettiest brown. She's the darling of my heart, prettiest girl in town. I wish I had a big fine horse and corn to feed him on, and pretty little shady grove to feed him when I'm gone. Shady grove, my true love, shady grove, they say. Shady grove, my true love, I'm bound to go away. When I was a little boy, I wanted a barlow knife. Now I want sweet shady grove to say she'll be my wife. A kiss from pretty little shady grove, sweet as brandy wine. There's no girl in this world prettier than mine. Shady grove, my true love, shady grove, they say. Shady grove, my true love, I'm bound to go away. Apples in the summertime and peaches in the fall. If I can't have the girl I love, I don't want none at all. Last time I've seen Shady Grove, she was standing in the door. Shoes and stockings in her hand, and little bare feet on the floor. Shady Grove, my true love, Shady Grove, they say. Shady Grove, my true love, I'm bound to go away. L'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo, 100% blues. Ce soir, le Blues Café de Mathis Hogg et Benoît Nogaret. On vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com pour retrouver les podcasts de nos émissions, les dates des prochains enregistrements en public, et également pour retrouver notre web radio Blues Café Radio qui vous accompagne 24 heures sur 24. Merci à Ludo et Sébastien à la technique. Merci en François à la captation vidéo. Et merci à vous, cher public. Merci au studio Magneto également qui assure le mixage de cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain avec Little Mouse and the Angry Cats. D'ici là, on rend la scène à Mathis Hogg et Benoît Dogaré pour un dernier titre. À bientôt, ciao ciao. Got the blues, the Nashville blues. Got the blues, the Nashville blues. I ain't got no hat, I ain't got no shoes. These people here, they treat me fine. The people here, they treat me fine. They give me beer, they give me wine. Arkansas, gonna stay right there with Pa and Ma. I got the blues, Nashville blues. I got the blues, the Nashville blues. I ain't got no hat, I ain't got no shoes. I'm going back to Arkansas. Gonna stay right there with Pa and Ma. I got the blues, the Nashville blues. I got the blues, the Nashville blues. I ain't got no hat, I ain't got no shoes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.